Cette semaine, on parle d'exposition, on explique comment réussir ses photos malgré la foule et on critique l'imprimante Epson P600 et l'appareil Fujifilm X-A2. Vous écoutez Objectif numérique, épisode 76. Stéphane Vaillancourt au micro, en compagnie de François Blanchet. Salut Stéphane. Et de Christian Jarry via Skype. Salut Stéphane, salut. Salut, François. Salut. C'est rare que je te dise salut parce que dans le fond, on n'est pas à côté l'un de l'autre. Non, ça s'entend d'ailleurs. Oui, j'imagine. Christian qui a refusé de poser du tapis sur les murs pour isoler sa pièce. Oui, oui. Alors, je suis désolé, tu sais, pour une fois, ça valait pas la peine. Ben non. On n'a pas de budget, alors on va. On va y aller comme ça. Oui, en direct de sa cave. Exact. Hey, messieurs, qu'est-ce que vous avez fait côté photo depuis la dernière fois? François, toi? Moi, j'ai travaillé sur le spectacle de la Saint-Jean à Québec, la fête nationale du Québec. Mmh. Et puis, j'arrive à ma caméra et puis on installe les techniciens. Il y a des assistants caméramans qui installent tout l'équipement. Okay? Nous, okay. On a le gros bonheur d'arriver sur le site puis de voir notre caméra déjà installée. Il reste juste à ajuster la balance puis tout ça. Moi, j'avais une caméra sur rail, okay, à peu près 20 pieds de rail, 20-25 pieds de rail. Puis mon job, c'est d'être dans la foule puis de voir les bras dans les airs. Puis tu sais, les fameux shots que tu vois de l'arrière compressés, oui. Comme si tu étais un spectateur. Mm-hmm. Ben c'est ça. Fait que je faisais ce shot-là. Mais quand j'arrive à ma caméra, il y a de la grosse pluie, de la flotte partout. Donc, ils protègent les caméras avec des housses. Ma housse, c'est une housse de barbecue Coleman. Pour vrai? Fait qu'on On a décrété que c'était la première caméra barbecue. Premier barbecue sur rail. Ah. Et évidemment, j'ai une photo de ça. Fait OK. Voilà. Ah, c'est la photo du comment je pourrais dire, de l'épisode. Oui, bon, parfait. On va regarder ça dans les notes. Ouais. Toi, de Christian? Ton barbecue sur rail, j'ai hâte de voir ça. Ah non, c'est drôle. Puis toi, Christian, de ton côté? Ben, ça faisait longtemps, mais finalement, je suis allé voir deux spectacles en dedans de moins d'une semaine. Oh. Je suis allé au Rockfest à Montebello pendant 2 jours. Mm-hmm. Et plus, ça a été une fin de semaine en plus sans enfants, fait que on a pris ça relax et dans un petit camping, disons, sans enfants. Mm-hmm. Je peux-tu te demander, Christian, tu dis prendre ça relax au Rockfest, ça compute pas? Je sais, non, c'est ça qui est le pire, c'est que c'est vrai. C'est ce qui veut dire que on est arrivé le vendredi en après-midi. On est arrivé pour voir un groupe en particulier. On a quitté pour le camping parce qu'il fallait, tu sais, quand même arranger nos affaires avant d'arriver. Tu sais, on ne pouvait pas arriver à l'heure qu'on voulait. Ouais, ouais. Puis on est revenu juste comme 2-3 heures plus tard. On est resté jusqu'à minuit. Puis on a dormi jusqu'à 10 heures. Je me rappelle pas la dernière fois que j'ai dormi jusqu'à 10 heures. Okay. Là, ma blonde, filait pas. Fatiguée, tu sais, fin d'année, puis tout ça. Puis l'après-midi, il y avait moins de groupes qui nous intéressaient. Fait qu'elle disait, je me sens mal. Je dis non. On est là pour se relaxer aussi, là. Fait qu'on est allé à 8h30 le soir. On s'est fait une grosse bouffe. On a pris ça. Relax. Ah, ben c'est bon. Ben oui. Sauf qu'on est rentré au camping à 3 heures du matin. Mais bon, c'est une autre histoire. OK. Ben, vous aviez assez dormi avant, de toute façon. Ouais, c'est exactement ça. Fait qu'on n'était pas fatigué. Puis dans la même semaine, 2 jours plus tard, j'allais voir un autre spectacle. Fait que c'est des choses qui arrivent. Quel spectacle de? AWOL Nation. Ça devait être au Metropolis, mais c'était au Corona. Ce qui est encore mieux parce que plus petite salle, donc plus proche même. Mm-hmm. C'est plus facile de prendre des photos. J'ai pris quelques photos, vraiment pas mal, en plus, je suis surpris. J'ai vu ta vidéo de sale aussi sur Facebook. Ouais. D'ailleurs, à part cette toune-là, y ont-tu d'autres bonnes tounes? Parce que on a juste entendu ça, je pense. Hein? Owl Nation. Ouais. C'est la plus grosse toune, c'est vrai, mais ils en ont quand même beaucoup, là, sincèrement. Là, en ce moment, c'est I Am là, qui roule pas mal, qui est bonne. Il y en a pas mal, sincèrement. Puis je te dirais que le lendemain, on est allé... Je me disais, j'avais pas fait d'exercice depuis 2 jours, je vais aller courir le lendemain matin. Là, j'avais de la misère à courir, j'avais mal aux jambes, je comprenais pas trop pourquoi. On a tellement sauté pendant ce show-là, puis du fun, puis toute la quête. J'avais comme pas fait le lien au début, mais en courant, j'ai fait « Oh, c'est là qu'il vient le mal bon. ». Puis t'as pris des photos? Oui. Si ça te tente d'en mettre une dans les épisodes, dans les notes d'épisode. Avec plaisir. Merveilleux. Et moi, de mon côté, j'ai été jet set. Je suis allé à Los Angeles. Ah. Petit tour du côté des laboratoires de recherche audio de Samsung à Los Angeles. Et je me suis gâté, je me suis payé la traite. J'ai pris des photos dans un laboratoire de recherche. C'est assez rare qu'on peut faire ça. C'est pas tout le monde qui a accès. Hein. Et là, je pouvais photographier des prototypes. Écoutez, il n'y avait aucune limite ou à peu près. Là, c'est vraiment impressionnant. Donc, j'ai pris des photos de chambres anéchoïques, donc anti-écho. Ah, et, le mot du jour. Oui, anéchoïque. Et là, c'était, en fait, ils nous invitaient pour nous présenter le Radiant 7, le R7, un haut-parleur qui diffuse à 360 degrés. Donc, on peut le placer n'importe où dans une pièce et ça sonne bien. Et il est joli, donc je vais publier une photo dans les notes. Vous pourrez voir ce nouveau haut-parleur de Samsung. Samsung qui veut se lancer dans l'audio. Oui, parce que me semble que c'est pas particulièrement... un champ dans lequel ils sont forts ou très reconnus. Non, mais tu vois, ils vont aussi améliorer l'audio dans leurs téléviseurs et les modèles de la série 9000 de cette année versus ceux de l'année dernière, de la série haut de gamme. C'est le jour et la nuit côté audio. Le son est vraiment impeccable, vraiment un très bon son. Donc, oui, c'est... Je vais publier aussi... je vais publier un lien vers ma galerie photo sur le site de Canoë. Puis vous pourrez voir, là, il y a à peu près une quinzaine de photos. Ben, au moins une douzaine que moi j'ai prises. Puis il y en a quelques-unes, là, des photos de PR. De PR, population. De relations de presse, ouais, c'est ça. Donc voilà, ouais. C'est ce que j'ai fait. Ah oui, j'ai soupé à côté de Jean-Claude Van Damme, rien de moins. Ouais. Donc, qui t'a fait le super... gentleman, est-ce que je me rappelle avoir vu, c'est cela? Oui, c'est ça. Puis il t'a fait une super split entre deux tables à manger. Non, mais il portait ses verres fumés dans un restaurant à 21h. Donc, c'est ça. Ben, il y a le statut pour, j'imagine. Oui, oui, c'est ça, il peut se le permettre. C'est ça, côté photo. On va passer au petit bloc nouvelles. Christian, de ton côté, tu avais une petite nouvelle concernant Fujifilm. Oui, on en a déjà parlé plusieurs fois dans le passé. Fuji est assez intéressant là, pour les mises à jour de son micro-logiciel. Mm-hmm. Ils en font vraiment beaucoup, beaucoup, rejetant beaucoup de fonctionnalités à chaque fois. Oui. C'est même assez surprenant ce qu'ils arrivent à faire. Et les gens qui trouvent que je suis vendu à Sony, entre guillemets, ça, je dois déplorer ça de Sony. Il y a pas beaucoup de... Il y en a à peu près pas de mises à jour de micro-logiciels. Et ça, c'est à déplorer et ça serait un côté à améliorer. Ben, ils sont trop occupés à faire des nouvelles caméras. C'est vrai. Ouais, mais c'est parce que ça fait suer pour ceux qui n'ont pas. T'sais, exemple, ma RX100 que j'adore, que je trouve super, il y a zéro mise à jour du micro-logiciel. C'est ça. Moi, j'en ai eu ça une. Un peu ridicule. Après la sortie du A7, j'ai eu une mise à jour et puis ça fait un an et demi. Là. Aucune autre mise à jour. Ouais, c'est. Donc, chapeau à Fuji. Qui, c'est pingre. Ouais, c'est. C'est ça. Mais chapeau à Fuji, mise à jour, puis sur de bons appareils déjà, ils font des très bons appareils. Alors voilà, rendons à César. Oui, exact. Ben justement, ce que tu dis, c'est le X-T1 que moi j'ai beaucoup apprécié. Puis ils sont rendus à la version 4 du micro-logiciel. C'est pas mineur, là. Non. Ça veut dire qu'il y en a eu quand même beaucoup. Ça veut dire qu'ils écoutent ce que les gens ont à leur dire et ils font les corrections. Oui. Ouais. Donc si quelqu'un hésite, Fujifilm, vous savez que... Le produit est supporté par la suite. Ouais. Ouais, c'est ça. Puis, tu sais, quand je dis que tu rajoutes des fonctionnalités intéressantes, là, on parle de 77 points d'autofocus. Ils ont commencé à créer des zones de 3x3 ou de 5x3 ou de 5x5 sur les 77 points. Ah ouais. Une meilleure fonctionnalité de l'autofocus. Aussi pour pouvoir avoir le single point ou des choses comme ça. Tout ça a été amélioré. Mm-hmm. Meilleure détection des yeux pour l'autofocus. Un nouveau mode macro pour auto-macro qui appelle. OK, donc il détecte s'il est vraiment trop près d'un objet, il va passer en mode macro, c'est bien. Exact. Ça? L'autofocus, quand tu fais du vidéo, est plus crémeux, un peu mieux, plus utilisé, plus utilisable. Mm-hmm. Ça m'a impressionné. Tu peux prendre des photos à 1/32 millième de seconde avec le nouveau firmware. On s'entend dessus. Ça commence à être vite en tabarnouche. Il y en a qui disaient, tu sais, au début, même moi, je me suis posé la question, oh, c'est cool, mais à quoi ça sert? Ben, ça sert en tabarnouche. Mm-hmm. Parce que là, ton objectif qui est à 1.8, si tu veux prendre des photos en plein jour, t'as plus de problème parce qu'attends, 1 et 32 millièmes de seconde, là, ils en rendent pas beaucoup de la lumière dans ce temps-là. En effet. Oh, fait que tu peux skipper les filtres ND. Exact. Ouais, ouais. Oh, c'est bon ça. Hey, 1,32 millième. On c'est a sauté énorme. Rapidement parce que les plus hauts que j'ai vus, c'est 1,8 millième. 1,8 millième. Dans le fond, c'est entre guillemets deux crans plus loin. Ah, ben oui, c'est 16 000 puis 32. Ouais. Mais quand même, c'est excellent. C'est comme parce même 16 millièmes de seconde, cherche, il n'y en a pas tant que ça. Là. Non. Mm-hmm. Il y en a à peu près pas, je dirais. Ouais, c'est 4 000 et 8 000 qu'on voit régulièrement. Puis. Plus rapide que ça, c'est très, très rare. Puis c'est ça. Puis on a aussi quelques-unes, là, quelques autres petites affaires. Là. Mais tu sais, en général, c'est ceux-là qui sont les plus intéressantes. Mais je trouve, malgré tout, quand on dit beaucoup de compagnies auraient ajouté ces fonctionnalités-là dans leur nouveau modèle et laissé tomber l'ancien, ben non. Fuji, eux autres, vont à ça. Puis honnêtement, si j'avais à m'acheter un petit appareil entre une DSLR et un point and click, c'est clair que j'y vois avec Fuji. Ouais. Oh, OK. Mm. Oh, attends, tu nous annonces ça aujourd'hui. Là. Ben, il manque le détail de l'argent. Ouais. Il manque le détail de l'argent, mais c'est clair que ça serait ça parce que la X-T1, là, je vous dirais sincèrement, c'est peut-être celle qui m'a tapé le plus dans l'œil depuis longtemps. Parce que c'est sûr que celle à Stéphane, tu sais, full frame est intéressante, etc. Mais je sais pas, c'est les images que j'ai réussi à sortir de la X-T1, là, j'y pense encore. Ça me donne une idée, là, c'est quelque chose. Et attends, je parle du XA2 un peu plus loin dans l'émission. Et... Ouais. OK. On en reparle. François, toi de ton côté? Il y a la société française DXO. Vous connaissez ça, les gars, DXO? Oui, le nom dit quelque chose. Ils font un logiciel, je crois. Ils sont connus dans les logiciels de correction d'images. Mm. Principalement. Et là, il se lance dans un autre univers, c'est dans l'univers des appareils photo qu'on connecte à un téléphone. C'est le DXO One qui se connecte au port Lightning des appareils Apple. Puis bon, pour vous donner une idée, là, le concept, c'est quoi? C'est comme celui de Sony avec le QX100 dont on a déjà parlé dans un podcast précédent, merci Christian. Je me rappelle pas c'était quel épisode, mais bon, j'aurais pu fouiller et regarder ça, mais je le sais pas. Je vais vous revenir avec ça. Je pense que je vais mettre un homme là-dessus pendant que je parle. Donc, comme la QX100, on ajoute un bloc caméra à l'appareil intelligent. Et on me dit à l'oreille, à l'épisode 50 qu'on a parlé. Et voilà, la QX100. Magie du direct. Oui. Donc, c'est un bloc caméra qu'on ajoute à un appareil intelligent. L'idée, c'est de bypasser, je cherchais le mot français, mais de bypasser la caméra intégrée dans la... De court-circuiter. Merci. De court-circuiter l'appareil photo dans l'appareil pour avoir un appareil qui porte son nom comme il faut, une caméra, qui est capable de faire de quoi de bon. Comme le QX100, cet appareil-là a un capteur de 1 pouce. Oh! Ça qui veut dire qu'on peut faire de super belles photos, 20 mégapixels... Par contre, c'est un objectif à focale fixe de 32 mm à ouverture de 1.8, ouverture maximale. Quand même, f1.8 pour un capteur d'un pouce, c'est quand même intéressant. Oui, oui. On ne parle pas d'un capteur de téléphone, justement, à 1.8 qui ne donnerait pas vraiment une mince profondeur de champ. Non, là, on peut vraiment travailler avec les profondeurs de champ. Il est équipé d'un iris mécanique à 6 lamelles. Mmh. Donc, c'est vraiment semblable. Là. C'est un objectif détachable. Oui. Puis, on peut le fermer jusqu'à f11. Fait que c'est parfait. On peut avoir pas mal tous les résultats qu'on peut faire avec n'importe quel appareil photo normal, si on peut dire ça. Bien. On peut faire le focus à 20 mm de l'objectif. L'obturation se fait entre 15 secondes et 1/8 millième. Mm-hmm. Du côté de la plage ISO, c'est entre 100 et 51 200. Il fait de la vidéo à 1080i, mais sans plus. Les modes photo JPEG RAW, la carte, c'est une carte micro SD pour enregistrer les RAW. Parce que sinon, en JPEG, ça s'en va dans l'appareil photo. OK. Dans le smartphone. Dans le téléphone, oui. Exactement. Ouais, c'est normal. Oui. Il y a aussi un mode Super RAW qui est intéressant, que je n'avais pas vu. Peut-être que ça se fait ailleurs. Mais évidemment, ils servent de leur technologie, eux autres, parce qu'ils ont les logiciels qui vont te donner avec l'appareil si tu l'achètes. Ah ben oui. Et ces logiciels-là peuvent traiter 4 photos superposées de RAW. Le but, c'est d'éliminer toutes les petites imperfections que tu peux avoir. Ah, oui. Fait qu'en additionnant 4 photos superposées, ben tu te ramasses avec un fichier de plus ou moins 80 MB à 160 MB. Wow. C'est hyper lourd, mais là, on commence à faire de la photo très, très, très pointue là, pour les petits détails et tout. Puis c'est là-dedans qu'ils accèdent, eux autres, dans le logiciel. Fait que, voilà. C'est assez cher. C'est 600 euros. J'ai pas le prix pour l'Amérique du Nord parce que c'est un appareil qui est encore en précommande. On peut pas l'avoir tout de suite. Il paraît que ça va sortir dans le dernier trimestre de 2015. Bon. Bon, ça vient quand même avec deux logiciels de retouche qui sont connus de cette compagnie-là, qui sont autour de 200 euros à peu près. OK. Fait que c'est quand même bien si on décide d'aller de ce côté-là. Oui. Parfait. Moi, j'ai regardé les photos, c'est quand même pas si mal. C'est pas petit, mais ça me semble, en tout cas, selon moi, un peu plus commode à utiliser que le QX1. Même si le QX1 avait l'air d'être plus naturel, tu sais, le fait qu'on l'accroche comme après l'appareil photo, après le téléphone, je sais pas, j'aime mieux l'ajout en bas du téléphone. Je trouve ça un peu plus naturel que l'autre. Juste à voir la photo, justement, je me dis, tout ce qui connecte l'appareil au téléphone, c'est le connecteur, justement, Lightning, et c'est tout. Il n'y a pas l'air d'avoir d'attache. Non. Non. Fait que mais ça me semble fragile un peu. Oui, ça semble un peu fragile, mais ça va donner le même effet qu'un petit caméscope vidéo, là. Ouais. Avec l'écran. Le téléphone, en fait, sert d'écran qu'on ouvrirait normalement sur le côté. Donc, tu l'empoignes avec ta main droite. Oui, exactement. Ouais. Puis l'écran se retrouve sur la gauche, là, dans le fond. Mais c'est bien. C'est joli, en tout cas. C'est tout petit. Oui, le design est beau. Oui. Oui, ça paraît quand même bien. Je sais pas, je trouve ça un peu cher pour 600$, par exemple. Euros. C'est pas donné. 600 euros. Ben, moi, j'ai vu, tu vois, je suis sur The Verge, puis il dit 600$. Ah bon. Aussi. 600 américains, ça fait 700 quelques dollars canadiens ces temps-ci. Alors, si vous êtes dans le marché pour un QX100, ou c'était quoi l'autre modèle déjà? Le QX10. Le QX10, c'est une autre alternative parce qu'elle est un petit peu plus évoluée, évidemment. C'est juste que c'est un objectif fixe. Parfait. Plus de fonctions, par exemple. Hé, hey, on a de la visite! Oui. Ah ouais? On a de la visite de la fatigante de chat. Messieurs, bienvenue dans l'ère des crowd timelapse. Savez-vous ce que c'est un crowd timelapse? Non, je ne sais pas. Ben, le nom l'indique, si vous êtes bilingue, c'est un timelapse, donc une vidéo en accéléré, faite par la foule. Donc, il y a des chercheurs qui ont trouvé... Ils sont partis de 86 millions de clichés des endroits les plus photographiés à travers le monde. OK, et, en ligne. En ligne. OK. Et ils ont réussi à monter des time-lapse d'endroits comme des glaciers, des buildings en construction, des chutes qui se déplacent, des parois rocheuses en érosion sur parfois 3, 4, 5, 6, 7 ans. Oh wow, OK. Donc, wow. Tous les clichés numériques qui se retrouvent sur Internet sont rapatriés, sont analysés et ensuite ils se forment des time-lapse grâce à un algorithme là, qu'ils utilisent eux. Et ça doit être des endroits populaires, j'imagine. Oui, oui, c'est ça. Photos, les endroits les plus populaires dans le monde, je te dirais. Mais il y en a. Ben, en fait, ça part de 2005 jusqu'à 2015, mais la plupart des exemples que j'ai vus souvent partaient à 2007-2008. Mais c'est assez impressionnant. Vous irez voir la vidéo qui donne plusieurs exemples justement sur le site dans les notes d'épisode. Puis, on voit vraiment de tout. Il y a, comme je disais, c'est ça, là, il y a de la floraison de fleurs et d'arbres au gré des saisons. Il y a vraiment OK, fait que tout. Là, le logiciel stabilise, colore. Corrige aussi un paquet de trucs, redresse certaines perspectives. Ben oui, c'est sûr, il n'y a pas un objectif qui est pareil. Non. La perspective, l'endroit où est le photographe par rapport au sujet. Oui, c'est impressionnant le travail que le logiciel, que les algorithmes de correction font là, à ce niveau-là. Mais vous irez voir, il faut le voir, c'est assez impressionnant. Puis, c'est incroyable qu'est-ce qu'il arrive à faire des fois maintenant, juste avec... Juste, qui a pensé à cette idée-là? Ouais. Sincèrement, je veux dire, c'est quand même... C'est du travail, malgré que l'ordinateur a beau en faire une partie, il faut pareil, je sais pas, c'est impressionnant. Oui, absolument. Ben, il faut penser justement à tous les calculs à faire, les algorithmes pour recadrer au même point, puis vraiment s'assurer que... Parce que les photos, même s'ils sont pris d'un même lieu avec à peu près le même angle et tout ça, ne sont pas prises à la même heure du jour, sont pas prises exactement dans le même angle, sont pas prises à la même hauteur. Le photographe peut être plus grand, plus petit... c'est fou, là. Ça fait peur. Ouais. Un peu, oui. Je disais cette semaine qu'il disait que c'est quoi, c'est Facebook qui va être capable de te reconnaître même si tu es une photo de dos. Là, je suis comme, oh, yesh, ça commence à être gros. Là. Maintenant, ouais, là, quand c'est la même chose dans le fond, là, c'est des algorithmes, là, mais c'est quand même impressionnant. Oui. Et comme dernière nouvelle, il y a une compagnie allemande qui veut ramener un objectif mythique, ben pas mythique, mais légendaire, le trioplan. Je vais le dire en anglais, c'est le trioplan soap bubble bokeh. Ah boy. C'est un objectif 100 mm f2.8 qui donnait un bokeh, donc un flou d'arrière-plan, là, qui faisait penser, disons, à un effet savonneux, si tu regardes à travers des bulles de savon, un truc comme ça. C'est vraiment doux, c'est vraiment léché, si on veut. Là, c'est assez incroyable. Et justement, c'est un objectif qui n'existe plus depuis des décennies. Et ce type-là est allé consulter quelqu'un qui a travaillé à l'entreprise, là, chez le fabricant, qui faisait ça, puis un des premiers ingénieurs qui ont fait ça, puis... Là, ils font une campagne Kickstarter qui va se terminer dans quelques jours, mais ils ont déjà atteint leur objectif. Tu vois, il reste 26 jours au moment d'enregistrer l'émission et ils sont déjà à 126 000 $ pour un but de 50 000. Donc, je vois une photo d'un exemple. C'est vraiment un rond lumineux comme on est habitué de voir, sauf qu'il y a un cercle plus intense autour. C'est comme ça. Je cherche le mot en français, mais un outline. Un halo, peut-être? Ouais, outline. En tout cas, la circonférence est plus foncée. Le contour est plus foncé que l'intérieur. Ouais. C'est spécial. J'ai jamais vu ça, une affaire comme ça. C'est vraiment bien. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ils vont le fabriquer pour à peu près toutes les montures. Canon, Fuji X, Nikon, Micro 4 tiers, Sony E, Leica M, Pentax K. Donc, toutes les grandes séries vont... en fait, eux, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont tout simplement changer la monture au moment de fabriquer parce qu'ils vont recevoir... une première portion de commande, si on veut. Là. Puis chaque personne qui commande va dire quelle monture ils veulent. Donc, c'est toujours le même point. Si c'est un objectif, c'est combien? Ça dépend parce que là, sur Kickstarter, ça a commencé à 600 $ pour les premiers adopteurs, si tu veux, les premiers qui voulaient financer. Et ensuite, il y en avait un à 800, 849, 899, 1000 $. Mais là, évidemment, il y a d'autres trucs qui vont s'ajouter avec ça, mais il y en a jusqu'à 2999 qui vont pour ceux qui voudraient un des premiers trioplans qui ont été fabriqués, là, okay. Ils vont recevoir probablement leur livraison avant tout le monde et tout ça s'ils mettent plus d'argent. Et il y avait un pledge, en fait, si on misait 10 000 $, si on finançait à hauteur de 10 000 $, il paie un voyage, je crois, à Görlitz, en France, où seront fabriqués ces objectifs-là. Pourquoi pas? Tout ça. À 10 000, tu sais. Ben, c'est ça. Mais vous irez voir la page Kickstarter. C'est intéressant parce qu'il y a un petit historique, les photos de l'objectif original et tout ça. Là, donc, quand même intéressant. Je suis en train de voir, c'est très spécial l'effet que ça donne. Oui, absolument. Donc, quelqu'un qui recherche ça, qui veut donner une touche vraiment différente à ses photos, ben, ça peut être intéressant. Oui. Bon, Christian, de ton côté, toi, tu vas nous parler d'exposition. Ben oui, parce que je disais quelque chose, puis ça m'a fait réfléchir un peu aussi par rapport à ça. C'est, tu sais, quand on regarde nos photos, souvent, on a tendance à corriger l'exposition pour avoir le plus de luminosité possible, ou, tu sais, on travaille souvent en conséquence qu'on se dit, bon, ben notre exposition n'est pas bonne, je vais essayer de la corriger, mais dans le fond... C'est vrai dans certains cas, mais il faut faire attention que c'est pas parce que on a une certaine exposition qu'il n'y a pas d'autres expositions possibles pour la même scène qui sont aussi valables. Oui, absolument. Exemple, dans l'article que je vous partagerai, ce qui est intéressant, c'est qu'il nous montre trois expositions. Il y en a un que c'est un peu plus silhouette. On voit le personnage, la femme est un petit peu plus foncée, mais l'avantage que tu as avec ça, c'est que le ciel est beaucoup plus... Est beaucoup plus exposé, les couleurs sont beaucoup plus vives, le bleu est plus éclatant à cause de ça. Tandis que si on met ce qu'on penserait être l'exposition correcte. Mm-hmm. Ben, la photo, elle est bonne, mais c'est plus fade. Ouais. Notre ciel est moins intéressant. La femme, oui, elle est correcte, mais on dirait qu'on perd un petit quelque chose. Il n'y a plus... oui, c'est l'exposition correcte, mais en même temps, correct pour quoi? Mm-hmm. Correct pour notre œil, correct pour ce qu'on est, on est habitué, mais ça veut dire que c'est toujours correct. Ouais. On en a parlé à l'occasion de ça, c'est que oui, il y a des règles, puis c'est bon d'apprendre les règles, puis c'est bon de les utiliser, mais à un moment donné, c'est bon aussi de les casser, les règles. Mm-hmm. C'est intéressant aussi de voir ce qui peut être fait quand on va de l'autre côté, du côté obscur, ou du côté du dark side ou du light side, justement parce que l'inverse est aussi vrai. Si on décide de surexposer un petit peu, ben l'avant, ça pourrait devenir quelque chose de plus de... j'ai juste le mot secondaire. Ah. Oui, mais tu sais, un petit peu plus... quasiment comme un rêve, là, où ce que le fond est quand même assez presque blanc bleuté. Mm-hmm. Mais là, ton en avant, ça va ressortir aussi un petit peu plus. Fait que tu sais, l'exposition, c'est ce que vous voulez montrer en réalité. Mm-hmm. Est-ce que vous voulez montrer l'arrière? Est-ce que vous montrez l'avant-plan? Pensez à ce point-là quand vous faites votre photo. Puis la joie, ben maintenant, je le sais, puis vous le savez aussi bien que moi, c'est qu'avec les logiciels, on peut tout truquer maintenant, ou à peu près. Oh, absolument. C'est l'avantage de shooter en RAW. Quand je suis allé justement en camping en fin de semaine, il y a une photo que j'ai voulu prendre de soir où ce que on était dans une tente, une grosse, grosse tente Utopia dans les CEPAC. Puis il y avait beaucoup, beaucoup de luminosité sur la tente en tant que telle, mm-hmm. mais le reste était noir, noir, noir, puis on voyait presque pas le ciel. Fait qu'il a fallu que je joue beaucoup avec mes réglages pour que ma tente soit un petit peu moins éclairée, parce qu'on va voir un peu plus les détails de la tente en tant que telle, que l'extérieur restait relativement assez noir, mais que mon ciel était éclatant pareil. C'est pas évident. Mm-hmm. Il faut vraiment jouer avec les... Autant j'ai joué avec la caméra, autant j'ai joué avec Lightroom après. Ben, c'est ça, mais ça, tu nous la mettras dans les notes d'épisode, parce que je la trouvais jolie, cette photo-là, justement, parce que normalement, quelqu'un qui va prendre une photo rapidement va vouloir avoir son ciel éclairé, mais la tente, elle va être surexposée, ou le contraire, il va vouloir que la tente soit pas trop éclairée, mais on perd tout le ciel, les arbres et tout ça. Donc toi, tu as réussi à retravailler ça. Évidemment, dans Lightroom, il y a du travail aussi un peu, mais tu as réussi à élargir, disons, la plage dynamique, là, si tu veux. Puis c'est entre autres, petite parenthèse rapide, mm-hmm. il y a une nouvelle fonction dans Lightroom qui s'appelle, c'est de-haze, que vous pourrez voir, qui m'a servi un petit peu par rapport à ça. C'est que quand on a une lumière qui est comme un peu trop forte, ou qui a comme un halo un petit peu autour, mm-hmm. ben ça permet d'atténuer juste cette lumière-là versus le reste. Okay. C'est très commode pour des photos de nuit, justement, puis ça m'a permis d'en perdre beaucoup de luminosité puis de gagner beaucoup de détails. Mmh. Ah, ben tu vois, je connaissais pas ça. C'est nouveau dans la... Ça vient juste d'arriver. Ah, c'est ça, parce qu'il y a une nouvelle version de Lightroom. Il y a Lightroom 6 et la nouvelle version Lightroom CC 2015, donc Creative Cloud 2015. On en reparlera de toute façon en détail des nouvelles fonctionnalités qui sont sorties dans la dernière version, mais mm-hmm. c'est une des nouvelles options qui sont disponibles. Tu vois, je ne l'avais même pas utilisé encore. Ouais, ben moi, je l'ai utilisé à mes risques et périls, parce qu'il ne fonctionne plus, mais ça, c'est mon discours. Mais non, c'est ça. En tout cas, bref, tout ça pour en revenir vite à l'exposition. Il n'y a pas... Tu sais, en photographie, tout se fait. Il n'y a pas de, mm-hmm. y a pas de bon, il n'y a pas de mauvais. Il y a des mieux, mais il n'y a pas de... Mais tu sais, à moins que la photo... qu'on distingue pas bien le sujet, puis que, tu sais, la personne a vraiment manqué son coup, OK. Là, mais... Je te dirais que le seul point où lequel tu peux pas vraiment jouer beaucoup avec, c'est le focus. Ouais. Quand ton focus est pas bon, ou que tu as un bougé, mais qui est non intentionnel, ça, c'est mortel, il n'y a rien à faire avec. Mm-hmm. Mais si ta photo est au focus, à savoir l'exposition après, ben ça dépend ce que tu veux faire. Ouais. Ça se retravaille à la limite. Là. Exactement. Fait que découragez-vous pas là-dessus. Puis, comme je disais, ça veut pas dire que ça va faire une mauvaise photo pour autant, même si l'exposition est pas parfaite. Ben, c'est ça. Ben, en fait, il y a aussi... Soit qu'on peut travailler l'exposition vraiment sur place pour éviter d'avoir mm-hmm. retouché toutes ces photos dans Lightroom. Ça simplifie les choses, faut être honnête. C'est ça. Mais si on prend juste un ou deux clichés, ben on peut se dire, à la limite, j'y retravaillerai dans Lightroom, j'en ai pas 200 à retravailler, mais c'est sûr que ça dépend de la quantité de clichés qu'on prend et du temps qu'on veut y mettre aussi. Parfait, ben merci beaucoup, Christian. fait plaisir. Moi, je vais vous faire la critique de l'imprimante Epson P600. C'est pas une petite imprimante classique là, qu'on retrouve dans tous les foyers. C'est une imprimante vraiment pour les photographes, disons. Parce que non seulement elle est plus grosse, elle permet d'imprimer des trucs, vraiment des grands formats de papier. On va jusqu'à 13 par 19 pouces pour du papier et 13 par 129 pouces sur un rouleau. OK. Donc, on peut imprimer des banderoles carrément, cool. Des bannières, ouais. Donc, c'est très cool. On retrouve 9 cartouches d'encre, dont 2 types de noir et 2 types de gris. Bon, eux, ils vont dire 4 types de noir. Tu as noir mat, noir photo, noir pâle et noir très, très pâle. OK. Mais on photo. S'entend que, oui, ben, c'est comme plus glacé. Il y en a un qui c'est mat, l'autre c'est photo, c'est plus glacé. Mm-hmm. Mais ça donne une qualité d'impression vraiment incroyable. J'ai imprimé quelques photos avec ça pour tester. Puis ça donne de très, très bons résultats. Évidemment, j'en ai déjà parlé aussi quand j'ai fait une autre critique d'imprimante. C'est très important que ce soit dans Lightroom, dans Photoshop ou dans n'importe quel autre logiciel d'impression, ben de retouche photo. Quand vous voulez imprimer, assurez-vous de choisir le bon format de papier, le bon type de papier. Parce que si vous choisissez velvet, velouté, et que c'est pas le même type de papier que vous avez dans l'imprimante, le résultat sera pas bon parce que ça a vraiment tout été calculé scientifiquement et c'est vraiment important de prendre le bon type de papier. Si vous avez une imprimante Epson, malheureusement, prenez du papier Epson, pas du papier HP ou d'une autre marque, et vice-versa. Si vous avez une imprimante HP, allez pas avec du papier Epson, ça ne marchera pas ou ça donnera pas le meilleur résultat possible. Donc, moi, j'ai essayé plusieurs types de papier et j'ai eu de très bons résultats, d'excellents résultats sur à peu près tous les types. Il y a du papier même qui appelle le Fine Art, là, de papier Beaux-Arts, donc qui fonctionnait très bien. Mais ça, je vais le mettre, j'ai un petit bémol à ce niveau-là de ce type de papier-là que je reparlerai un petit peu plus loin. Et sinon, ben c'est ça, c'est une imprimante avec un écran tactile de 2,7 pouces, donc quand même assez grand, qui fonctionne bien. On peut imprimer via le cloud, par AirPrint ou Google Cloud Print. Et donc, on n'a même pas besoin d'être branché au réseau local. On envoie ça par le nuage, puis ça s'imprime. Et c'est quand même, ben, c'est un prix raisonnable compte tenu du type d'impression qu'elle permet de faire et de justement de la taille des papiers et tout ça. On parle d'à peu près 750-800$, je dirais. Évidemment, les prix d'imprimante baissent aussi avec le temps, là. Mais pour un photographe qui veut sortir de la bonne qualité, des 8 par 10 ou plus grand, ben, ça serait une imprimante à considérer. Par contre, dans les points négatifs, je dirais, il y a certains types de papier qui sont difficiles à charger, dont le fameux papier Beaux-Arts. J'ai même parlé à un type de chez Epson en Californie pour m'aider à charger le papier correctement parce que c'est pas évident. Donc, ça peut être assez frustrant pour quelqu'un qui n'a pas l'habitude de charger du papier photo dans une imprimante parce que c'est vraiment calculé au millimètre près. Là, c'est pour éviter. Parce que ce papier-là coûte cher, hein, 2-3$ la feuille. La feuille. Oui. Donc, tu veux pas que la feuille rentre croche puis qu'elle se mette à plier dans l'imprimante. Puis, Non. Ouais. Donc, mais c'est-tu le genre d'affaire que tu fais une fois puis au moins tu sais comment le faire puis ça va bien les autres fois? Oui. Ou tu sacres à chaque fois? Non. C'est ça. C'est qu'une fois que tu sais vraiment comment charger la feuille, ça va bien après. Là, OK. Mais, bon, c'est pas super. Je dirais les 2-3 premières fois, c'est pas vraiment évident. Mais un coup, tu as trouvé comment, après, ça va bien. Mais quand tu ne réussis pas à la charger, au moins, l'imprimante ne va pas la bousiller, la gober. Là. Mm-hmm. C'est qu'elle va essayer de la charger puis elle va dire « Ah, la feuille n'était pas positionnée correctement. » Donc, ça peut devenir un peu lassant, mais au moins, ça ne gaspille pas de papier à 3$ la feuille. l'encre va finir par coûter cher aussi parce que ce ne sont pas des cartouches énormes. Ce n'est pas une imprimante industrielle, disons. Donc, ce sont des cartouches à peine plus grosses qu'une petite imprimante photo maison. Alors, si vous imprimez justement des photos de 13 pouces par 19 pouces, ça passe vite. Là. Les cartouches vont passer vite, peut-être une quinzaine de photos, puis c'est fini. Là. Mm-hmm. Donc, à 9 cartouches, ça peut revenir cher. J'en doute pas. Et sinon, ben un petit bémol, l'imprimante est parfois lente pour des tâches d'impression relativement simples. Des fois, on veut juste imprimer une photo en qualité normale et non en super haute qualité. Puis on parle de quand même une bonne minute pour une photo 4x6. Donc, puis tout près de 2 minutes pour un 8 par 10. Et là, si vous le mettez en haute qualité, vous doublez le temps, littéralement. Okay. Donc, 3 minutes et demie à 4 minutes pour un 8 par 10. Ouais. Ça fait long, mais comme c'est à la maison, c'est pas si mal. On va prendre un café en attendant, je sais pas. Mais sinon, à part ces 2-3 petits trucs-là, rien à redire au niveau de l'imprimante. Elle est grosse, elle est massive parce qu'elle permet d'imprimer de grands formats. Mais si vous avez l'espace et vous voulez faire de belles impressions chez vous, ben c'est à considérer. Ou à la limite, attendez un peu que le prix de l'imprimante descende, peut-être dans les 500-600$, puis ça va devenir un excellent achat. Toi, François, de ton côté, de quoi nous parles-tu? Oui, il y a un ami qu'on a reçu ici qui s'appelle Dominique Dufour, je pense qu'il est venu deux fois à l'émission, qui m'a dirigé vers un sujet qui est intéressant. Je me suis dit, je vais aller voir ça. C'est réussir ses photos malgré la foule. Je vais entendre ça. Oui, parce qu'on s'est tous retrouvés là, dans une situation comme ça. Tu arrives sur un beau lieu, en voyage ou même pas en voyage, en quelque part. Puis ça se trouve qu'il y a beaucoup de gens. Là, tu te dis, bon, c'est pas tout à fait à ça que j'avais pensé comme photo avec autant de gens. Puis en plus, les gens se mettent à bouger tout le temps. Fait que c'est jamais parfait. Fait que quelques petits trucs pour aider à se sauver un peu de l'effet plate que ça donne, d'arriver sur un lieu, voir ce qu'on aime, prendre la photo puis faire comme « ouais, il y a des gens ». Puis il y a souvent quelqu'un qui regarde ton objectif directement, en plus dans la foule, il a l'air à se dire « mais est-ce qu'il me photographie moi ?» Bon, je vais y aller avec un conseil super évident, c'est la première chose qu'on va penser. Est-ce qu'on est à une heure achalandée? Oui. OK. Est-ce qu'on peut revenir? Est-ce qu'on peut revenir plus tard ou le lendemain plus tôt au même endroit? Bien ça, il y a Pascal Dupré qui était venu aussi nous parler de ça pour la muraille de Chine, entre autres, ces trucs-là. Oui, l'heure du jour est très importante. Oui, pour une autre raison aussi, la lumière est bien plus belle le matin puis en fin de journée pour le contraste que ça crée dans les paysages. Fait que bon, ça, c'est vraiment là, une règle d'or. Si on a les moyens de se permettre ça, pas aller aux heures d'affluence du site qu'on a choisi. Une autre bonne affaire à penser, puis ça, il faut être un peu plus décidé, c'est la température. Si la température est mauvaise, ben on applaudit parce que c'est là qu'il va y avoir beaucoup moins de gens sur place. C'est vrai, c'est vrai. Il faut s'équiper, par exemple. Bon point. S'il pleut, il neige, ben il faut avoir les bonnes protections pour son appareil. Il faut être bien équipé, puis penser un petit peu à notre affaire. Une autre chose qu'on peut faire, c'est se dire, bon, je vais me forcer à me cadrer différemment. Parce que juste à cadrer au-dessus des têtes des gens, tu peux te retrouver avec quelque chose d'intéressant quand même. Ouais. Ça peut devenir une photo de structure, ça peut devenir une photo de ligne de fuite, ça peut devenir une photo de contraste. Il y a plein de choses qui peuvent être intéressantes juste en se disant, tiens, je vais essayer autre chose que ce que mon œil voit en premier. Si on est patient, on peut tenter le coup des planètes alignées. Ouais. Ça veut dire, OK, là je m'installe, ma shot est parfaite, mais il y a tout le temps quelqu'un qui passe. Tout le temps, sans arrêt. Mais à un moment donné, peut-être que là, la personne, il n'y aura personne. Ouais, peut durer 0.1 seconde, ce moment-là. Là, mais si tu as le doigt sur le déclencheur, ça se peut que tu l'attrapes. Ça, c'est si tu as le temps de ton côté. Ben, souvent, ce que je fais, moi, je suis toujours en mode de rafale lente, mais ça m'arrive souvent de prendre une petite rafale de 3 clichés. Puis souvent, je me retrouve avec une meilleure photo que si j'en avais pris une seule. Oui, oui. Donc là, je trie, j'efface les deux autres. Puis... Au prix, c'était fait sur le coup correct. Sinon, c'était au prix de grossir tes fichiers après. Oui, là, oui, tri, ça remplit plus vite la carte. Mais quand on a des cartes 16, 32 ou 64 gigas, ben au moins, c'est plus comme quand on avait un. Mais c'est pas le manque d'espace, c'est plutôt le tri que tu dois faire. Le tri après. Oui, oui. Mais souvent, j'essaie de les trier tout de suite, ou en tout cas d'en faire le plus souvent possible, ou tout de suite au retour à l'hôtel, ou quelque chose, d'en faire une dizaine, une douzaine, puis ça fait ça de moins à la maison. Oui, effectivement. Il y a aussi un outil qui efface les touristes. Ah oui? La façon que c'est fait, c'est qu'on prend plusieurs clichés du même endroit, 4, 5, 6 clichés, puis le logiciel va prendre les pixels où il n'y a personne, va remplacer ça quand il y a quelqu'un. En tout cas, vous comprenez le principe. Aussitôt que la personne s'est déplacée, ben là, le décor devient apparent. Parfait, on va effacer où est-ce qu'il y avait une personne, puis tout ça. Fait qu'en plusieurs photos, on peut réussir à effacer la plupart des gens. Je ne sais pas, j'ai pas eu le temps de rechercher c'était quoi, quel logiciel faisait ça. C'est-tu un plugin pour Photoshop? C'est-tu un plugin pour Lightroom? Pour d'autres logiciels? Mais ça existe. À la limite, si on trouve, on mettra un lien aussi dans les notes. d'à peu près la même façon, mais qu'on peut faire nous-mêmes sur place, c'est de faire une obturation lente. Oui, ça, tu en avais déjà parlé d'ailleurs. Oui, donc les gens se déplacent rapidement, plus rapidement que l'obturation se fait. Donc, ils vont devenir effacés parce qu'ils ne vont pas imprimer le capteur de la même façon que le décor. Mm-hmm. Parce que le décor ne bouge pas, évidemment. Fait que ça peut devenir des fantômes. Faut quand même que les gens n'ont pas tendance à s'arrêter à l'endroit, par contre, où ce que tu fais ça, sinon ça ne donnera pas grand-chose. T'as bien raison. Ouais. T'as bien raison. Donc, si tu n'obtiens pas ce résultat-là, ben, tu peux dire « Ok, moi, je vais y aller pour la fin inverse. » Je vais me servir de tous les déplacements de tout le monde pour créer une espèce de marée humaine. Mm-hmm. Donc, un effet de mouvement. Tu sais. Mm. Parce que tout ce qui est flou, qui se déplace en photo, avec une obturation assez lente, ça crée un mouvement. Tu sais. Mm. Donc, ça peut être tout ça un effet intéressant. Autre chose, et peut-être un dernier truc, si on réussit à cadrer une seule personne, tu sais, des fois, ça se déplace assez, c'est pas une foule. Ben, c'est parfait parce que ça donne une idée d'échelle, oui, absolument, de ce qu'on photographie. C'est un point de repère qui est intéressant de dire « Ok, c'est vraiment grand ce truc-là ou c'est vraiment petit? » D'ailleurs, justement, c'est vraiment un point intéressant parce que au départ, quand j'ai commencé à faire de la photo, je voulais photographier soit des buildings, des trucs comme ça, et j'essayais toujours qu'il n'y ait absolument personne dans ma photo. Puis à un moment donné, tu regardes la photo et tu te dis « Ah, je me souviens pas ce building-là, est-ce qu'il était vraiment grand ou le bateau ou peu importe? » Mais là, quand tu as quelqu'un près, là, ça donne vraiment une idée d'échelle, un ratio, justement, par rapport à la personne qui se trouve là. Donc, oui, ça peut être intéressant d'avoir une personne. Surtout une, deux, à la limite, ça peut faire, là, deux, trois. Mais avoir au moins un sujet, ben un être humain, oui, puis ça rend ça intéressant. Idéalement, un être humain qui a une raison d'être là. Oui, t'sais, c'est ça. Pas qu'il est en train de prendre une photo. Non. À moins que c'est touriste. Ça que tu veux. Ah oui, absolument. Tu veux prêter le matin très tôt, puis tu te rends compte que hey, je suis pas tout seul. Tu sais, il va prendre des photos d'autres touristes qui font de la photo le matin. Puis là, t'sais, tu fais une série de photos de touristes, oui, en train de prendre des photos. Mm-hmm. Puis... Oui. Inception. Oui. Ah oui, c'est ça, avec ton selfie stick en arrière de la tête. Puis comme ça, tu te prends photo qui prend la photo d'un autre photographe. Ah, voilà. Voilà. Non, les selfie sticks. Attends, tu rajoutes un miroir à ça, puis ça peut être assez pété. Oh. Ça commence à être compliqué pour mon cerveau. Ah, il faut tout le temps avoir des nouveaux trucs en tête. Non, mais sans farce. J'espère que ça vous a aidé un petit peu, ces trucs-là. Il y en, mm-hmm, a que c'est évident, d'autres que c'est « Ah, tiens, j'avais pas pensé à ça. » D'ailleurs, je suis désolé, j'ai pas entendu si tu l'as précisé, mais pour les expositions lentes, c'est préférable d'avoir un trépied ou un monopied, un monopode. Oui, ça, je ne l'ai pas mentionné, effectivement, il faut stabiliser ses images et utiliser un filtre ND si on est en plein jour, parce que ça fait entrer de la lumière longtemps, donc, mm-hmm, ça va surexposer assez rapidement, ouais, la photo. Donc, s'équiper de filtre ND, qui est un filtre qui coupe la lumière, ça va vraiment aider à faire des longues expositions de jour. Mm-hmm. Comme j'avais déjà parlé, d'ailleurs, un petit clin d'œil comme ça, c'est comme ça qu'on obtient des belles photos de rivière, oui, qui s'écoulent, mm-hmm, pour avoir l'effet laiteux, le fameux effet laiteux qu'on peut voir dans des chutes des fois. Mm-hmm. Ouais. C'est avec ça qu'on fait ça. Merveilleux. Merci beaucoup, François. Ça fait plaisir. Et comme c'est Ladies Night, deuxième critique de ma part. Ladies Night. Ouais, je comprends pas. Ben, je sais pas, on doit avoir des auditrices. Non, mais Ladies Night, c'est deux pour un d'habitude, quand tu vas dans un bar. OK, OK. Donc, deux critiques pour le prix d'une. Si faut t'expliquer la blague, c'est qu'elle n'est pas bonne. Bon, mais tu peux continuer. On coupera ça au montage. Alors, je vous parle du Fujifilm X-A2, donc un autre appareil de Fuji dans la série X. Le X-A2, c'est un appareil plutôt compact, vraiment dans la lignée des micro 4 tiers, je dirais. Mais celui-ci est équipé d'un capteur APS-C de 16,3 mégapixels, donc un bon capteur. Et il vient avec un objectif 16 à 50 mm, f3.5 à 5.6 avec stabilisation optique. C'est un appareil vraiment très intéressant pour le voyageur, pour la personne qui veut faire de la photo sans s'encombrer d'un gros appareil, qui veut avoir une bonne qualité d'image. J'ai pris quelques photos en noir et blanc aussi, et c'est vraiment... J'ai beaucoup aimé le rendu, le résultat des photos noir et blanc prises avec ça. Mais je crois que Fuji est quand même une petite touche spéciale pour le noir et blanc. Je ne sais pas pourquoi. Je trouve, je suis d'accord avec toi, j'ai pensé la même chose moi aussi les plusieurs fois que je l'ai essayé. Je ne sais pas c'est quoi, je pense que c'est le capteur. C'est possible. Il y a quelque chose avec ce sort de capteur-là qui fait un résultat particulier. Oui, mais j'aime beaucoup le rendu du noir et blanc là-dessus. Puis d'ailleurs, il faudrait que je me remette, petite parenthèse, à faire un petit peu de photos noir et blanc parce que j'aimais quand même aussi le rendu sur le Sony A7, mais Fuji, il y a un petit quelque chose. C'est pour ceux qui aiment la photo noir et blanc, en tout cas, à considérer. Il y a une très, très bonne vitesse de mise au point automatique. Vraiment intéressant. Bon, on ne parle pas de 5 millièmes de seconde là, comme certains boîtiers. Là. Je pense que le X-T1 est dans ces coins-là, 5-6 millièmes de seconde, en tout cas. Puis il y a des boîtiers Olympus aussi qui le font. Ça, c'est pas le plus rapide au monde, là, mais il est vraiment très rapide. Il est dans, disons, au-dessus de la moyenne. Donc, très bonne vitesse. On parle d'une plage ISO 200 à 6400 performante. Donc, presque pas de bruit, là, mais vraiment, même à 6400, c'est très, très, très bon. Et on peut aller jusqu'à 25600, mais vraiment pour dépanner. Normalement, moi, je considère, si tu peux te rendre à 6400 ISO sans bruit, à ce moment-là, ben, ça devrait pas mal répondre à tous les besoins, je dirais. Là. On parle d'une rafale maximale à 5,6 images seconde, ce qui est très bon aussi. Et ben, dans les points positifs, j'ai mis aussi le prix. On parle de 600$ avec l'objectif. Donc, c'est très raisonnable. Bon, on s'entend que c'est un objectif de base avec l'ouverture maximale qui varie, qui n'est pas fixe, mais quand même, les photos que j'ai pu prendre, surtout évidemment à l'extérieur, mais aussi à la dans la maison avec la lumière du jour, très, très bonne photo. Puis, ben, s'il manque un peu de lumière, justement, ben, l'ISO 3200, 6400, très utilisable. C'est vraiment bien. Dans les points négatifs, il n'y a pas grand-chose, mais il y a la prise en main, je trouve, la poignée. Là, il n'y a pas beaucoup de renflement, si on veut, là, sur le côté pour vraiment le tenir avec ses doigts. Donc, peut-être qu'avec un, ça va prendre un étui ou quelque chose comme ça là, pour pouvoir vraiment bien le tenir en main. Il n'est pas très lourd avec l'objectif de base, mais si, j'imagine si on change d'objectif pour quelque chose de mieux, ça pourrait devenir un peu encombrant. Il n'y a, ben, il y a pas de viseur numérique. Donc, moi qui suis rendu habitué avec mon Sony A7 qui a un viseur, là, les deux, trois premières fois, j'approchais mon œil, puis hop, oh, non, pas de viseur. Donc, c'est bien. Il y a beaucoup de gens que ça ne dérange pas d'avoir juste l'écran à l'arrière, mais moi, je préfère quand il y a un viseur, surtout à l'extérieur en plein jour, justement. J'aime ça isoler mon œil pour bien voir qu'est-ce qui se passe dans la scène. Là. Et. Pour ceux qui aimeraient ça, il n'y a pas de contrôle à distance par Wi-Fi. Donc, il y a l'application Wi-Fi qui permet de transférer les photos et tout ça, mais on ne peut pas déclencher ou trucs comme ça. Donc, peut-être que ça va venir dans une mise à jour de micro-logiciel, comme Fujifilm sait si bien le faire, mais pour le moment, il n'y en a pas. Donc, voilà, mais excellent appareil, vraiment qualité d'image, rapide, performant, puis pas cher, donc... Moi, je le recommande fortement à ceux qui aimeraient ça. Allez le voir en magasin, au pire, prenez-le en main. Peut-être que la prise en main va un peu vous décevoir, mais sinon, le reste, rien à redire. L'ergonomie à l'arrière du boîtier pour les boutons, ça fonctionne très bien. Ouais, donc, un bon appareil. Dans les points faibles, tu aurais pu dire aussi de la couleur brune. Ouais, ben ça, on a le choix, il y a plus qu'une couleur. Non, je blague. Mais effectivement, il est disponible en brun pour ceux qui aimeraient ça. Mais sinon, évidemment, il y a noir et argenté. Ça fait vintage, mais c'est pas très beau. Non, c'est ça. Mais il y a des amateurs de la couleur. Oui. Mais bon, en tout cas. Et là, on va passer aux suggestions. Christian, toi, tu avais quoi comme suggestion de ton côté? C'est, j'ai vu ça passer cette semaine. C'est un photographe de Montréal qui a refait l'alphabet avec des personnes nues. Ah bon? Oui. C'est assez particulier, mais c'est en même temps, c'est toujours des coupes, puis il arrive à faire toutes les lettres de l'alphabet avec ça, mais disons que certaines des positions sont... Oh, il y a de la gymnastique là-dedans. Oui, c'est pas sans vouloir vous offusquer, les gars, c'est pas vous et moi qui allons être capables de faire ça, je peux vous le dire, là, disons que c'est pas évident, mais c'est pas... comment je peux dire, c'est quand même fait avec bon goût, là. Oui. C'est joli. Puis c'est bien fait, par exemple. C'est très imaginatif comment qu'il arrive à illustrer les lettres. Ça m'a plu beaucoup, je avouerai que j'ai trouvé ça très joli, franchement. Là. Puis d'autant plus que c'est quelqu'un de Montréal. Fait que je me suis dit, en parlant en même temps. Hein. Est-ce que c'est des photos prises de haut, quoi, avec les personnes couchées au sol? Ou C'est pas une information que j'ai trouvée, je vais être franc. Je ne sais pas. Moi, avoir les photos, je te dirais que... Ben, je suis pas convaincu. Avoir les photos, certaines, là, oui. Certaines, oui. Parce que si tu te rends jusqu'au ouais, S, là, pourrait, s'il arrive vrai. À faire ça, bravo. Ah oui, c'est probablement comme ça. Mais en tout cas, il y a des positions comme le A, ça a l'air d'être pris tête en bas. Et en tout cas, vous verrez. Okay. Vous irez voir et vous en jugerez par vous-même. Oui, il y en a, que c'est ça, je viens de voir, il y en a quelques-uns. Le A, ouais, d'après moi, tu as raison, celui-là, il est fait normal, mais tu sais... De profil, là, si on veut. Mais c'est quand même assez bien fait. Oui. Toi, François, de ton côté... Je vous ai parlé à l'épisode 72 de personnes qui ont été prises en photo avec du miel. Vous vous rappelez de ça? Oui, oui. Oui. Ben, c'est encore un petit peu dans le même principe, sauf que là, c'est de la peinture argentée. Okay. C'est un photographe italien, je m'excuse, qui s'appelle Guido Argentini. Ah, oui, il y a beaucoup d'argent dans cette histoire-là. Oui, je ne sais pas si c'est donné un nom pour ce projet qu'il a fait, qui s'appelle... Ah. Argentum, mm-hmm. Où c'est vraiment un nom prédestiné à être photographe, parce qu'il y a Argentique, Argentini. Ouais, ouais. Lui, il s'est dit, je vais faire un projet avec des gens qui sont complètement peinturés avec la peinture argent. C'est très cool, parce qu'évidemment, avec l'effet métallique, ça transforme les modèles en mm-hmm. vraies sculptures. Ouais. Instantanément, du premier coup d'œil, c'est ça qu'on se dit, il y a des poses qui sont vraiment incroyables, parce que c'est des... gymnastes, des acrobates qui prennent ces poses-là. C'est super esthétique. Oui. Évidemment, il faut que je mentionne que ce n'est pas... C'est not safe for work. En français, comment on peut dire ça? Ne regardez pas ça au bureau. Ne regardez pas ça au bureau, parce que si quelqu'un regarde par-dessus votre épaule, il va se dire, bon, OK, c'est de l'art, mais c'est quand même des parties intimes. Il y a un peu de nu. Et c'est, il y a beaucoup de modèles féminins, donc c'est pas trop difficile de voir certaines parties, mais c'est vraiment magnifique. C'est vraiment joli. Je trouve que les plus belles, personnellement, c'est celles où tu as le mouvement d'une cape ou de drop. Ça, c'est écœurant l'effet que ça donne. Avec le modèle qui est complètement immobile, puis elle bouge. Ouais. Sa cape, là, c'est wow! Ouais. Okay. C'est incroyable l'effet que ça donne. Ouais. Ah non, c'est un beau projet. Tu sais, c'est le genre de projet où tu disais, hey, si j'avais les moyens de faire ça, le temps. Puis. Tu vois que le photographe, quand même, il a travaillé beaucoup sa lumière parce que pour shooter un fini argenté comme ça, c'est presque comme shooter un miroir. La lumière reflète là-dedans partout, donc les effets contrastés d'ombre, de lumière, tu veux que ça soit parfait. Il a dû travailler vraiment beaucoup parce qu'un corps humain, c'est compliqué un peu là, pour la lumière là, dans certains axes. Puis si c'est argenté, je parle, là, c'est vraiment un miroir. Là. Donc, c'est vraiment une belle série de photos. Moi, c'est ça qui m'a marqué cette semaine. Parfait. Merci beaucoup. De mon côté, je ne parle pas de nu, contrairement à vous deux. Moi, ouais, c'est quand même, hein, on pense pareil. Là. Ben oui, vous avez de la suite dans les idées. Moi, j'ai pas reçu le mémo, alors je vous parle d'une application. Dommage. C'est ça, moi, de mon côté, je vous parle d'une application, Snapseed 2.0. Donc, j'avais parlé, je crois, que Google avait acheté Nick Software, qui était à l'origine du logiciel Snapseed, le logiciel de retouche photo sur mobile. Avant, il y avait une version PC, mais Google avait décidé de s'en débarrasser, de s'en départir. Mais sur mobile, Snapseed, c'est vraiment probablement, en tout cas, l'application que moi j'utilise le plus et que je considère parmi les meilleures pour faire de la retouche photo. On ne parle pas seulement d'appliquer des filtres ou de rogner ou recadrer une photo. Là, on parle de vraiment toutes sortes de retouches. Et puis, la nouvelle version de Snapseed permet un paquet de trucs, dont le support pour le format DNG, donc Digital Negative, ou le format RAW, qu'on pourrait dire, pour les appareils mobiles. RAW qui est maintenant supporté sur Android et qui est aussi supporté sur Windows Phone. Donc, est-ce qu'on peut s'attendre à ce que bientôt, ils puissent supporter les formats RAW des appareils Reflex, des DSLR? On ne sait pas pour le moment, mais ça pourrait être le premier pas dans cette direction-là. Il y a une fonction super intéressante qui s'appelle les stacks, donc les empilades, les piles, si on veut. Ouais. C'est en fait un historique des effets ou des changements qui ont été apportés à une image. Donc, on peut copier-coller, si on veut, entre guillemets, sur une autre image sans avoir à se rappeler de la recette. Okay. Qu'est-ce qu'on a fait exactement comme retouche ou comme le petit bouton glissoir là, qu'on a ajusté à 47, disons. Mm-hmm. Puis là, il faut se rappeler de ça. Non. Là, on peut décider, ah, moi, je veux redonner le même effet à une autre photo. On peut copier un stack, si on veut, dans l'application, puis l'appliquer sur une autre. Donc, vraiment intéressant. Moi, je m'en sers beaucoup dans Lightroom de ça. Fait que je trouve ça cool qu'en mobile, tu peux... Oui, dans Lightroom, c'est ça. Pour ceux qui ne le savent pas, on peut copier les effets qu'on a ajoutés à une photo, les ajustements, puis les coller sur une autre photo. Ça. Donc, ouais, ouais, très, très utile. Ouais. Ah ouais, ça sauve du temps. Ben oui, quand tu as une scène qui est toute dans la même place, tu as une dizaine de photos de même, tu sais pas laquelle encore choisir. Tu copies toutes sur la même chose, puis après ça, tu choisis qu'est-ce que tu veux. Oui, exactement. Beaucoup moins compliqué. Et encore parmi les ajouts, les nouveautés intéressantes, ils ont amélioré le flou d'arrière-plan, donc le lens blur, qui a l'air plus réaliste et même plus poussé qu'un flou d'arrière-plan d'un objectif de réflexe. Et, bon, petit point négatif peut-être pour certaines personnes, l'effet grunge, donc l'espèce de filtre grunge, est disparu. Grunge? Ouais. Ah, OK, je ne connais pas. Non, ben il y avait quelques filtres un peu à l'Instagram, puis tu pouvais mettre le filtre grunge, puis c'est disparu. Fait qu'il y a des gens peut-être qui auraient aimé le conserver, mais c'est pas une grosse perte, honnêtement. Fait que voilà, ceci conclut ce 76e épisode. Merci beaucoup, messieurs. Merci, Steph. Merci, chers auditeurs, de toujours être fidèles au poste. Donc, pour nous rejoindre, c'est tout simple. Hein, comme à l'habitude, sur Twitter, c'est O Numérique. Sur Facebook et Google+, Objectif Numérique. Et pour nous envoyer vos questions, commentaires et suggestions, vous nous écrivez à podcast@objectifnumérique.com. Le prochain épisode risque de se retrouver vers la fin août, début septembre. On va prendre une petite pause estivale parce que personne n'a reçu de mémo. En fait, on n'a pas fait de mémo et on a tous pris nos vacances à des moments différents dans l'été. Donc, ça va être un peu difficile de pouvoir faire des épisodes, mais on vous revient dès fin août, début septembre et puis on fera l'annonce justement sur les réseaux sociaux. En attendant, vous irez réécouter nos vieux épisodes. Voilà, si vous en avez manqué, là, il commence à avoir du choix. Là, on est rendu à 76, là, ça en fait pas mal. Voilà, et profitez-en aussi pour sortir votre appareil photo et prendre des photos. Voilà, pour vous améliorer, hein, c'est ce qu'il y a de mieux à faire. Il n'y a pas d'autre conseil que ça. Voilà. Faites-en. Alors, bon été et à la prochaine.